Une des raisons pour laquelle Dieu éprouve de la difficulté à nous former est que nous insistons souvent pour en faire à notre tête. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. La Bible représente parfois l'être humain comme une masse d'argile et Dieu comme le potier qui nous donne notre forme. L'ennui, c'est que nous, l'argile, insistons souvent pour dire à Dieu, le potier, la forme que nous voulons avoir, plutôt que de laisser le Seigneur faire de nous le genre de personnes qui peuvent lui être le plus utile. Dieu nous a créés avec nos capacités et nos limites. Il connaît donc mieux que personne ce qui convient le mieux à notre vie. Aujourd'hui, Charles Stanley nous encourage à faire confiance au maître d'œuvre et à être docile et calme pendant qu'il nous forme à l'image de son Fils Jésus-Christ. Ce message nous incite à nous soumettre afin d'être formés par le maître. Voici votre enseignant, Charles Stanley. Connaissez-vous les intentions de Dieu pour votre vie? Aimeriez-vous être mis au courant de l'œuvre qu'il veut accomplir en vous? Vous pensez peut-être, pourquoi croyez-vous être en mesure de me parler des intentions de Dieu pour ma vie? Simplement parce que, dans sa parole, Dieu nous fait part de ses intentions pour chacune de nos vies, sans exception. Dieu nous a tous créés avec une idée bien précise en tête. Les événements de votre vie n'arrivent pas par hasard. Pensez aux expériences que vous vivez et que vous avez vécues jusqu'à présent. Les bons moments. Les mauvais moments, ou les moments plutôt neutres. Peut-être êtes-vous accablé présentement par une dure épreuve, une tribulation ou une peine intense. Ou alors, au contraire, tout baigne dans l'huile, tout marche comme sur des roulettes. Cependant, à travers toutes ces circonstances, bonnes ou mauvaises, Dieu travaille dans votre vie. En effet, notre Créateur n'est pas un Dieu distant, il est un Père personnel. Et il désire entrer avec vous dans une relation de personne à personne. Nous allons parler de la nature exacte de cette relation dans ce message intitulé « Formé par le Maître ». Ce message, comme tous les autres, ne s'appuie pas sur une philosophie personnelle ou sur d'autres considérations humaines, mais sur la parole de Dieu, la Bible. Et si vous en avez une à portée de main, vous pouvez l'ouvrir dans le livre de Jérémie. Cet épisode de la vie du prophète illustre parfaitement les intentions de Dieu à notre égard. Le passage est Jérémie chapitre 18, les versets 1 à 6. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Tout au long des Saintes Écritures, Dieu se plaît à utiliser les choses les plus simples pour enseigner ses leçons les plus profondes. En attirant l'attention de Jérémie sur l'activité du potier modelant l'argile, Dieu lui expose comment il voit sa relation avec son peuple. Selon moi, une des leçons les plus profondes de la Bible se trouve dans ce passage. Et nous serions bien avisés de bien comprendre la signification de la leçon contenue dans ce passage particulier. Premièrement, Dieu, le maître potier, a un but pour chaque homme et chaque femme, et ici on maintient l'image pour chaque masse d'argile. Dieu nous a tous créés et il nous donne notre forme pendant ce laps de temps que nous appelons la vie terrestre. Il a en tête un objectif bien déterminé pour chacune de nos vies. Nous devrions donc découvrir sa nature. Vous êtes-vous déjà posé la question « Pourquoi suis-je ici ?» Si notre société n'est pas parvenue à vous convaincre que vous êtes simplement le produit d'un hasard évolutif, vous vous êtes sans doute déjà fait ce genre de réflexion. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas si Dieu existe. Et je ne sais pas s'il sait que j'existe. J'aimerais bien le savoir. Je suis heureux de pouvoir vous dire que non seulement Dieu existe, mais également qu'il sait que vous existez. Vous êtes précieux pour lui. Il vous propose de jouer un rôle dans un plan qui embrasse l'éternité. Oui, Dieu a un objectif spécifique pour votre vie. Ce plan est si vaste et ses ramifications si compliquées qu'elles sont au-delà de notre compréhension humaine. Cependant, Dieu n'a certainement pas l'intention de garder secret ce qu'il veut faire de ma vie et de votre vie. Il ne nous montre pas toujours ses intentions au moment précis où nous aimerions les connaître, mais il ne les garde pas secrètes indéfiniment. Il désire nous communiquer ses objectifs pour notre vie, son plan et sa volonté. Dieu ne fait rien simplement pour le plaisir. Vous êtes né dans ce monde. Dieu a permis votre naissance dans un but spécifique. Revenons à l'illustration du potier. Lorsqu'il place sa masse d'argile sur le tour, il sait déjà ce qu'il veut faire. En d'autres mots, il ne fait pas que jeter l'argile sur le tour pour ensuite commencer à travailler la matière en se demandant quel sera le produit final. Non. Au moment où il pose ses mains sur l'argile, il ne pense pas « je me demande ce que cela va donner ». Un bon potier ne laisse rien à l'improvisation ou au hasard. Il a une idée bien arrêtée en tête. Il sait ce qu'il veut faire. Quand il regarde cette masse encore informe, il ne voit pas qu'un tas de boue. Il voit déjà en elle le produit fini qu'il a déjà préconçu dans son esprit. Et ses mains ne font pas que suivre l'intention de sa pensée. Il en est de même pour la pensée de Dieu à l'égard de ses créatures. Il a déjà prédéterminé ce qu'il va faire dans nos vies. Quand nous avons été sauvés par le sang de Jésus-Christ, nous étions comme une masse d'argile. Nous n'avions rien d'une œuvre d'art. D'un point de vue spirituel, nous n'étions qu'un tas de boue informe. Nous venions à peine d'être sortis de l'emprise du péché où nous avions vécu jusqu'alors en désobéissant à Dieu parce que nous existions par et par nous-mêmes. Toutefois, après nous avoir sauvés, Dieu s'est mis au travail dans notre vie, car il avait un but. Et il avait bien réfléchi à son plan. L'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, affirme que Dieu nous a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Cela ne veut pas forcément dire que nous serons une copie de Jésus-Christ, mais que notre caractère sera formé pour être semblable à lui. Dieu travaille en nous dans ce sens. Nous commettons souvent l'erreur de nous comparer aux autres et de dire « Ah! » Si seulement je pouvais être comme lui ou comme elle, si seulement j'avais ses dons et ses talents, si je connaissais aussi bien ma Bible que lui, si j'avais autant de dons et de talents, je pourrais servir le Seigneur comme il le fait et je serais heureux. Ce genre de pensée est non seulement négative, mais erronée, car nulle part dans les Écritures on ne retire l'impression que Dieu fait deux vases exactement pareils. Nos personnalités sont comme nos empreintes digitales. Il n'en existe pas de semblable chez deux personnes. Pensez comme Dieu doit être absolument infini dans sa puissance créatrice. Plus de 6 milliards de personnes sur cette planète, et aucune n'est semblable à une autre. Or, lorsque nous voulons découvrir comment Dieu travaille dans notre vie, nous devons nous rendre à l'évidence. Il a en tête un objectif et un plan différent pour chacun d'entre nous. Dieu nous a donc créés avec un objectif précis et personnel. Et quel est-il? Voyons d'abord ce qu'il n'est pas. Cet objectif pour votre vie n'est pas le vôtre ni le mien. Il est le sien. La question n'est donc pas de savoir si Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Il l'est. La question est de savoir si nous collaborons à l'œuvre que Dieu essaie d'exécuter dans notre vie. Travaillons-nous avec lui ou contre lui? Accomplissons-nous sa volonté dans notre vie, de bon cœur, ou plutôt sous la contrainte? Il est facile de répondre à ces questions. Si nous sommes en accord avec son travail dans notre vie, ce qu'il fait de nous n'aura aucune importance. si nous sommes en accord avec sa volonté pour notre vie, peu nous importe s'il nous utilise pour accomplir une œuvre discrète ou une œuvre grandiose, ou s'il nous appelle à travailler avec beaucoup de personnes ou peu de personnes. Cela ne fait aucune différence. La question est de savoir ce que Dieu avait en tête lorsqu'il a placé cette masse d'argile, c'est-à-dire vous, et qu'il s'est mis à travailler dans votre vie. Car, voyez-vous, il avait déjà prévu ce qu'il voulait faire de votre vie. Il a placé ses mains divines et aimantes sur vous, et il a commencé à vous donner la forme qu'il avait à l'esprit. Quand il vous regarde, Dieu ne voit pas l'argile, il voit le produit fini. Il le voit dans sa pensée. Il nous a conçus pour accomplir avec notre vie un rôle bien précis. Quand le potier pose son argile sur son tour, elle est pure. Cette masse d'argile doit être pure et exempte de corps étranger. Car s'il voit dans son argile un bout de bois, des racines, des feuilles ou du gravier, il devra remédier à la situation. En effet, pour former cette argile afin d'en faire le vase d'apparat qu'il voit déjà dans sa tête, l'argile doit être lisse et pure. Sinon, il réaliserait rapidement, en posant ses mains sur elle, que ces éléments étrangers doivent être extraits. C'est pourquoi Dieu, en travaillant dans votre vie comme dans la mienne, doit retirer ces choses qui constituent un obstacle à son plan. Il doit enlever tout ce qui pourrait nuire au travail de ses mains divines et aimantes, car elles doivent nous donner une forme déterminée. Ces obstacles doivent donc être pulvérisés. Dieu est passé maître dans l'art de prendre des choses brisées pour les écraser, les pétrir et commencer à leur donner une nouvelle forme sur le tour. Il nous rebâtit de fond en comble. Aucun pécheur ne pourrait se placer hors d'atteinte de la grâce de Dieu. Et personne ne peut traîner avec lui un passé tellement lourd et meurtri que les bons soins du potier ne pourraient lui donner une forme merveilleuse et utile. Dieu est le maître potier. Premièrement, nous devons donc nous rappeler que Dieu a un objectif pour chaque masse d'argile humaine. Et deuxièmement, Dieu a un plan en tête pour accomplir son objectif avec ses masses d'argile. Et son œuvre deviendra réalité par ce plan. Quand le potier prend sa masse d'argile, il a déjà son idée derrière la tête. Il sait ce qu'il veut faire. Il a l'intention de fabriquer un merveilleux vase, un bol, un contenant ou un ustensile quelconque. Rappelons-nous de cela. Il sait déjà ce qu'il veut faire. Il prend alors son argile et il la place sur son tour. Puis, il commence à travailler. Nous devons comprendre une chose très importante. Pour transformer sa masse d'argile en quelque chose d'utile, il n'existe qu'une seule façon de s'y prendre. L'argile doit être installée au centre du tour. L'autre jour, j'observais le travail des artisans dans l'atelier de poterie. Et j'ai entendu cette dame dire « Je dois mettre cela au beau milieu de mon tour, sinon je ne pourrai jamais le former. » Et elle a continué de déplacer légèrement son argile jusqu'à ce qu'elle soit en plein milieu de sa table tournante. Une des raisons pour laquelle Dieu éprouve tant de difficultés à nous former et à faire de nous les personnes qu'il veut nous voir devenir, c'est que nous ne tenons pas en place. Nous insistons pour faire les choses comme nous le voulons. Et que se passe-t-il alors? Nous nous éloignons du centre de la volonté de Dieu. En voulant absolument faire à notre tête, nous nous déplaçons d'un côté ou de l'autre, parce que nous voulons être là plutôt que là. Or, le Seigneur nous dit « Reste centré sur mon plan, car mon objectif pour ta vie est de te donner ce qui te convient le mieux. » Or, si nous insistons pour faire les choses à notre manière, cela ne peut pas fonctionner. Et que fait Dieu alors? Il nous recentre. Le potier trempe continuellement ses mains dans l'eau. C'est un autre aspect intéressant de son art. Il le fait pour plusieurs raisons. L'une d'elles est de diminuer la friction entre les mains et l'argile. En tournant la masse d'argile, l'artiste y place ses mains, et les endroits où il applique la pression commencent à changer de forme. Les endroits rugueux deviennent plus lisses. Et, petit à petit, la masse informe se transforme sous nos yeux. Plus le potier est habile et plus l'œuvre finale sera remarquable. Quand je suis allé à l'atelier de poterie, on n'entendait rien, à l'exception du ronronnement de la roue du tour. Personne n'a même levé le regard à mon entrée, car la pensée des potiers était totalement absorbée par leur activité. Ils savaient ce qu'ils voulaient faire et ils se concentraient à faire ressembler leur argile à l'image de leur pensée. Et je suis resté sur place assez longtemps pour les voir réussir. Pendant que j'étais assis à les regarder travailler, je méditais sur les voies de Dieu. Je réfléchissais à la manière dont il travaille dans nos vies. Je me demandais comment il s'y prend pour tirer quelque chose de bon de chacune de nos vies. Il m'est déjà arrivé de penser, comme vous certainement, « Seigneur, que peux-tu faire de ma vie ?»« Il peut faire de grandes choses, peu importe votre passé. » Quand nous lisons la biographie de ces gens qui ont laissé leur marque dans l'histoire humaine, nous pouvons remarquer que certains d'entre eux ont des passés très, très négatifs. Ils vivaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui des familles dysfonctionnelles. Ces gens n'avaient rien pour leur permettre de réussir. Et si vous regardez autour de vous, presque tout le monde maintenant est issu de telles familles. Nous accolons des étiquettes ici et là pour tenter d'expliquer les actions d'une personne, qu'elle soit psychopathe ou toxicomane. Or, personne n'a eu de famille parfaite. Certains ont été plus bénis que d'autres. Or, peu importe votre généalogie, ce qui est important, c'est le travail que vous laissez Dieu accomplir dans votre vie. Pourquoi un chrétien se plaindrait-il de son passé quand il peut contempler un avenir glorieux en Jésus-Christ? Et alors que j'observais ce qui se passait sous mes yeux dans l'atelier de poterie, je ne pouvais m'empêcher de penser aux paroles de Dieu au prophète Jérémie. Le potier accomplit son œuvre sur son tour. Il n'est pas là simplement pour jouer. Il veut faire quelque chose de précis avec son morceau d'argile. Tournons maintenant dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 9, les versets 20 et 21. « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? » J'entends parfois des gens se plaindre. « Je ne veux pas avoir le don de service. Je veux avoir le don de prophétie. Je veux avoir le don d'exhortation. Je veux avoir le don de libéralité. » Beaucoup de gens veulent avoir ce don de libéralité, mais Dieu ne sait-il pas mieux que personne ce qui vaut mieux pour chacun de nous? Reprenons l'image du potier. Il tourne sa roue. Il applique un peu de pression ici et là. Il trempe ses doigts dans l'eau. Et, progressivement, la matière rugueuse devient lisse. Elle a une meilleure apparence. Elle prend forme. Et tout à coup, nous nous arrêtons pour constater que Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Nous avons déjà remarqué que le potier trempe ses doigts dans l'eau pour diminuer la friction. Et vous savez ce que Dieu fait? Après nous avoir placés au centre de son tour, il se met à tourner notre vie. Et il applique une certaine pression pour lui donner sa forme. Et dans quoi trempe-t-il ses doigts pour diminuer la friction? Dans de l'amour à l'état pur. Car nous avons affaire à un potier rempli d'amour qui prend une masse informe pour la faire ressembler à son fils. J'aimerais maintenant discuter de certains éléments de réflexion qui me sont venus à l'esprit pendant que j'observais les potiers travailler dans l'atelier. En effet, j'étais assis et je réfléchissais à la manière dont Dieu travaille dans ma vie et dans votre vie, et au fait qu'il nous forme chaque jour grâce aux situations et aux circonstances qui surviennent. Puis, ces mots ont surgi. Il y en a 6 qui s'appliquent à l'activité du potier. Le premier mot est « pouvoir ». Pendant que nous regardons le potier à l'œuvre, nous constatons qu'il possède un pouvoir sur la masse inerte. il peut faire ce qu'il veut avec, car, en réalité, l'argile ne possède aucune volonté propre. Le potier peut donc exercer son pouvoir sur elle, et en vérité, Dieu détient aussi un pouvoir sur notre vie, car il est omnipotent. S'il le décidait, nous serions tous instantanément transformés en autant de tas de poussière. Il est vrai que nous le serons tous tôt ou tard. Je parle de notre chair, bien sûr. Mais Dieu nous a donné une volonté propre. Il le reconnaît et il respecte notre volonté. Mais si quelqu'un essaie de vous dire qu'il est libre de ses actions, je vous invite à regarder sa vie. Vous constaterez rapidement que ce sont précisément les soi-disant libres penseurs qui sont le plus le jouet d'envie, de pulsion et de désirs accaparants et dévorants, en plus de faire preuve de rivalité. Car Dieu contrôle ultimement et absolument toute chose et toute personne, mais il donne beaucoup de liberté à l'homme afin qu'il puisse constater ce qu'il fait de cette liberté. Le deuxième mot est « objectif ». Nous en avons déjà parlé dans cette émission. Le potier a un objectif, une idée bien précise de ce qu'il veut faire de son argile. Le troisième mot est « plan ». Dieu possède un plan, et ce plan est de nous former et d'œuvrer dans nos vies chaque jour afin de nous faire ressembler à son Fils Jésus-Christ. Le quatrième mot est « patience ». Dieu n'est jamais pressé, évidemment. Le fait d'être éternel lui facilite la tâche, mais cela m'avait frappé quand je regardais les potiers dans l'atelier. Personne n'essayait de pousser son tour à la vitesse maximale pour accélérer le processus. Et ce qui est valable pour un vase d'argile l'est d'autant plus pour la maturité spirituelle. On ne gagne rien à tenter de précipiter les choses. En fait, il me semble que c'est moi qui deviens plus pressé en vieillissant. Je demande à Dieu, « Seigneur, quelles sont tes intentions pour ma vie ?» Et à chaque fois que je lui demande cela, Dieu me répond, « Je fais la même chose que j'ai toujours fait depuis des années. Je te conforme à l'idée de toi que j'ai en tête. » Apprendre les voies de Dieu est un processus qui prend toute une vie. Le prochain mot est « persévérance ». C'est une des caractéristiques les plus importantes du potier. Voyez-vous, quand l'argile du potier ne donne pas exactement les résultats attendus, il l'écrase et la pétrit à nouveau, puis il recommence à la modeler et à la former. Cependant, le potier ne jette pas son argile à la poubelle. Et Dieu ne rejettera pas non plus son argile humaine. Si vous êtes devenu un de ses enfants par le sang de son Fils Jésus-Christ, il ne vous dira jamais « Tu es un cas désespéré. Il n'y a rien à faire avec toi. J'en ai assez de toi. Fiche le camp. » Il ne vous dira jamais cela parce que vous êtes entre ses mains aimantes et omnipotentes. Et quand il pose ses mains sur votre vie, il détient le pouvoir d'en faire ce qu'il veut, pour votre plus grand bien. Quand je regarde en arrière, je considère toutes les fois où je lui ai désobéi, toutes les fois où je me suis repenti, où je me suis mis en règle avec lui et où, malgré tout, j'ai continué ma vie chrétienne en grandissant grâce aux directions de son esprit. Oui, nous trébuchons, nous tombons, mais ensuite nous nous relevons et nous continuons notre marche avec notre grand Dieu. Et ce manège dure toute une vie. Dieu nous façonne, nous modèle et nous forme avec persévérance car il n'abandonne jamais. Le dernier mot est personnel. Tandis que j'observais les potiers se pencher sur leur argile et la travailler, je pouvais noter toute l'énergie qu'ils investissaient dans leurs actions. Ils se penchaient, ils prenaient un peu de recul, ils regardaient et ils posaient leurs mains sur la matière, parfois avec délicatesse, parfois avec plus de pression. Ils se donnaient complètement à leur tâche. Dieu n'a pas mis tous les hommes et toutes les femmes dans un même paquet pour former l'humanité en même temps. Non, il forme chacun de nous, vous comme moi, et cela individuellement. C'est ainsi qu'il travaille. Vous vous demandez sans doute comment il peut s'occuper de chacun de nous comme cela. Il le peut, parce qu'il est infini en pouvoir, en sagesse et en connaissance. Il sait exactement ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Savez-vous pourquoi votre vie ne correspond pas à vos attentes? Avez-vous déjà pensé que la faute vous appartient? La raison ne résiderait-elle pas dans le fait que, quand le Père éternel pose ses mains aimantes sur votre vie, vous lui dites « Non, ce n'est pas ainsi que je veux que les choses se passent. » Oh, bien sûr, vous êtes beaucoup trop diplomate et sophistiqué pour le prononcer d'une manière aussi crue. Cependant, cela ne vous empêche pas de vous raidir et de refuser son aide. Vous vous rebellez peut-être d'une façon plus détournée, mais les résultats sont les mêmes. La rébellion reste la rébellion. Dieu veut accomplir quelque chose de merveilleux dans votre vie. Et vous n'avez même pas à le lui demander. Vous n'avez qu'à le laisser faire. Il ne désire que la soumission de votre cœur. Peut-être vous permettra-t-il de comprendre ce qu'il fait dans votre vie. Peut-être pas. Toutefois, vous devez savoir qu'un Père aimant, qui a vos meilleurs intérêts à cœur, qui est sage et tout-puissant, vous développera au maximum de ce que vous pouvez être. Car, ne l'oubliez pas, vous êtes entre les mains de Dieu. Il est le potier, vous êtes l'argile. Il a un plan merveilleux pour votre vie. Laissez-le agir librement et vous verrez l'accomplissement de son œuvre dans votre vie. On dit amen au Seigneur. La conformité à l'image de Dieu, nous l'avons vu au cours de cette émission, ne s'exprime pas forcément par des changements comportementaux. Il s'agit plutôt d'une transformation intérieure que Dieu opère en nous lorsque nous le lui permettons. Dans Romains chapitre 8, 28 à 30, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous avez faim, vous avez soif, votre estomac est vide, votre cœur aussi. Les déjeuners de l'espoir peuvent remplir l'un comme l'autre. Un repas délicieux vous sera servi. Ensuite, vous pourrez entendre comment Jésus a transformé la vie d'une personne qui demeure près de chez vous. Peut-être est-ce un voisin, un ami ou un parent. Venez voir. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.